Je partis de Tunis, par la mer, sur un vaisseau de Catalans, jusqu'à l'île de Sardaigne, gouvernée par des chrétiens. L'île a un magnifique port, entouré d'une palissade faite de grands pieux en bois. L'entrée fait comme une porte qui ne s'ouvre qu'avec la permission de ses habitants. L'île est pleine de châteaux. Nous en avons visité un qui avait quelques souks à l'intérieur. Je fis le vœu à Dieu Tout-Puissant, déjeuner pendant 2 mois complets, si nous sortions sains et saufs de cette île, car nous savions que ses habitants nous suivaient pour nous attraper comme captifs, juste au moment de quitter l'île.